Ben, merci d'être venu cette fin d'après-midi. Donc, aujourd'hui, on est. Je pense que presque tout le monde connaît le CIRA. Ceux qui viennent pour la première fois, qui veulent en savoir plus, je peux leur donner toutes les explications nécessaires tout à l'heure parce qu'on se retrouvera après autour d'un verre. Donc, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Jean-François au Petit Gendre, qui va nous parler de son deuxième livre, si on en parle le dernier. Puisque en 2 ans, il a publié 2 livres. En 2012, les 2 parus aux éditions libertaires. Le premier s'appelait La Commune libre de Saint-Martin. Et le deuxième, Le Porte-Monnaie. C'est un genre qu'on voyait autrefois, qu'on peut appeler de l'anticipation ou de la politique fiction. Puisque ça se passe pas aujourd'hui, mais demain et après-demain. Donc dans la commune libre de Saint-Martin, je vais parler du deuxième parce que Jean-François est venu pour en parler, mais dans le premier, il imaginait une commune où les libertaires étaient arrivés au pouvoir. Et instauraient l'autogestion, la solidarité, et l'exemple se propageait, les autorités avaient peur. Donc je te laisse la parole pour rectifier ce que je viens de dire et pour parler aujourd'hui du porte-monnaie. Voilà. Moi je suis arrivé à un âge où la question se pose de savoir ce qu'il serait bon de transmettre, ne serait-ce qu'à mes petits-enfants, parce que j'ai eu des questions. Papy, c'est vrai que t'es anarchiste. Et expliquer à des adolescents la pensée de Proudhon, de Bakounine, de Malatesta ou d'autres grands penseurs comme ça, c'est important, mais c'est ardu et austère. Quand on va décrire l'archipel des anarchistes actuels, avec ce qui fait leur unité, mais en même temps ce qui fait leur dimension inconciliable, ça me semble contre-productif. Alors parler de la démocratie directe, de l'abolition de l'État, de ce que je pensais du salariat, tout ça, c'est. Dans mon monde où on vit, ça me paraissait difficile. Pour autant, mes petits-enfants ne sont pas des imbéciles en regardant la télévision toute la journée, ils ne l'ont pas. Ils ont même vécu et été élevés dans un milieu assez ouvert à nombre d'alternatives. Mais ça ne les amène qu'à au mieux une saine indignation, temps en temps quelques révoltes, mais sans plus. Ils sont en fait dans un autre monde. Ce sont les enfants du numérique. Ils sont nés avec la logique informatique. Ils pensent réseau et non plus hiérarchie, comme nous autres. Ils pensent piratage plutôt qu'achat. Ils pensent partage plutôt que commerce. Alors c'est quand même intéressant. Hein. Mais ce qui leur manquait, à mon sens, c'était un peu le grain de folie qui m'avait fait devenir objecteur de conscience dans les années 64, je crois. Le goût d'utopie qui m'a fait construire une ZAT bien avant qu'il me dé en parle, qui m'a fait renoncer à des métiers lucratifs pour choisir des métiers où l'homme était au centre, plutôt. Alors, en m'interrogeant, je me suis dit, ce qui leur manque, c'est le rêve. C'est vrai que le rêve est devenu un petit peu difficile maintenant. C'est peut-être ce rêve qu'il faut transmettre aux jeunes. Parce qu'on est dans un monde qui est devenu pragmatique, qui se défie des idéologies, qui a perdu peu à peu un de ses grands mythes fondateurs. Pourquoi ne pas leur opposer une utopie plus moderne, plus moderne en tous les cas que celle des Rabelais, Rousseau, Thomas More, Fourier et compagnie. Voilà. Alors j'ai commencé par écrire ça. Voilà. Une fiction contemporaine. Donc j'ai imaginé un élu d'une ville de 5000 habitants. J'ai choisi comme modèle une ville que je connaissais bien, qui existe réellement. Mais je l'ai intitulé Saint-Martin pour pas qu'on puisse la situer. Parce que Saint-Martin, c'est le toponyme le plus répandu en France. Il n'y a pas un département où il n'y a pas 2 ou 3 Saint-Martin. Voilà. Donc personne ne sait où c'est. Et avec un élu local qui n'est pas anarchiste hein, du tout. Hein. Mais il a le bonheur de rencontrer un petit groupe d'anarchistes du coin. Et puis ça lui tourne la tête. Voilà. Alors cette histoire, c'est un prétexte pour moi pour énumérer toutes les réponses possibles aux mots qui nous assaillent. Mais comme je ne suis pas moi-même communaliste, comme on dit, hein, je ne pense pas tel, enfin, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire grand chose au niveau des communes. Donc j'ai choisi volontairement de ne pas en faire un anarchiste, mon élu local. Mais il y a toujours en filigrane des anarchistes derrière qui font un peu la bouche du coche, hein, qui poussent pour faire avancer les choses, qui sont des empêcheurs de tourner en rond en mettant tout en cause, des emmerdeurs et tatillons comme il se doit, hein, mais garant d'une cohérence éthique et théorique. Voilà. Et bon, ma commune de Saint-Martin, ça a rempli son but, hein, qui était de faire rêver, ça fait rêver beaucoup de gens. Avec le, évidemment, c'est un roman, donc mon maire, mon élu qui arrive à se faire élire maire sur un programme complètement fou, en instaurant la démocratie directe, les ateliers autogérés, ce qui s'ensuit, qui envoie sa police municipale se faire rééduquer dans un centre de psychologue, pour qui il commence à virer la pupille et à passer le flic à l'éducateur. C'est effectivement très beau. Quoi. Donc mon maire était vraiment charismatique. Et donc je l'ai envoyé en prison pour terminer le livre, parce que pour excessif. Il a fait une chute à mon bouquin, parce qu'il fallait bien s'arrêter. Et donc ce livre me laissait quand même un arrière-goût d'insatisfaction, parce que c'est quand même du bricolage, ça fait un peu tricot stérile, quoi. Ça fait pansement. C'est bien, c'est sympathique, mais ça résout en rien les problèmes structurels qui nous touchent. Donc en réfléchissant et en cherchant la cause des causes de tous les problèmes auxquels on réfléchit, auxquels on est confronté, en essayant d'en faire une analyse un petit peu systémique, ce qui revenait sans arrêt, c'était l'argent. Et en plus, dans mon expérience professionnelle, qui a été un peu agitée quand même, j'ai commencé en deux mots, hein, je vous résume, parce que c'est ici à résumer. J'ai commencé par travailler 3 ans dans un bidonville en fond de travail social, quand j'étais objecteur. Officiellement, on était récupérateur, et visuellement, on faisait un bidon d'achat, de la privatisation, etc. On essayait de transformer un peu les choses. Puis on s'y est usé, et j'ai été travailler dans le bâtiment. Et là aussi, pareil, je me suis heurté à des problèmes d'argent. On nous faisait faire des choses qui étaient complètement folles, pour des questions de rentabilité, pour des questions de. Voilà. Je travaillais beaucoup en échafaudage dans l'extérieur et en hauteur. Ça me permettait d'être tranquille en hauteur. Oui, les architectes ne vont pas là-haut. Quand ils rougent mal, on leur demande si tu es un homme, ils se démontrent. Donc j'ai une royal. Mais pour des questions de rentabilité, de la sécurité à l'époque, après ça j'ai changé parce que comme j'étais toujours en déplacement et que je m'étais mis avec ma compagne à faire des gosses, ma fille aînée a fait 7 écoles dans la même année, donc on s'est dit basta, il faut arrêter les conneries. Et j'ai eu une opportunité, j'ai été embauché dans un centre de soins pour toxicomanes. Au départ, comme moniteur d'atelier, parce qu'il y avait des bâtiments à rebâtir, il fallait faire l'animation, il n'y avait pas des jeunes, etc. Donc j'y suis resté 22 ans, j'ai terminé adjoint de direction là-dedans, et c'était fort intéressant. Et le métier était cassé le jour où un ministre, un French docteur, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, oui, il y a un nom comme ça. Qui n'avait jamais rencontré un toxicomane de sa vie, qui n'a jamais pris la peine d'aller voir ce qu'il travaillait, a décidé un beau jour que les laboratoires pharmaceutiques avaient raison et qu'avec les produits de substitution, on pouvait sauver les gens. Ce qui a rendu le métier complètement fou, parce qu'une fois drogué, les gens n'avaient plus envie de parler. Ce qui les a rendus violents, parce que quand ils se rendaient compte qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine, ils avaient des violents. Et plus ça allait, plus les toxicomanes étaient violents et les jeunes éducateurs avaient du mal à supporter la violence. Donc arrivé à 55 ans, je me suis dit, arrête tes conneries. Un jour, ça va mal, c'est terminé. Je jouais à Zorro dans la cour, quand il y en a un qui fait une crise. Avec des moniteurs enfermés dans le bureau, j'ai démissionné. Et à 55 ans, on ne trouve pas de travail. J'ai monté dans mon entreprise personnelle. Et j'ai fait la généalogie familiale. Alors là, la question d'argent, hein, entre les héritages, les testaments, les suicides, là, on voit comment ça se passe depuis le Moyen-Âge. Ah, donc j'ai réfléchi à l'argent. Voilà. Alors, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre et que je suis pacifiste, allons-y. Et donc j'ai écrit ce bouquin, j'ai sous-titré Une société sans argent, point d'interrogation, hein, quand même. J'affirme rien, voilà. Et donc j'ai imaginé une ville moyenne, 80 000, 100 000 habitants, peu importe, et un immeuble. Et dans cet immeuble, il y a une institutrice, un menuisier, un escroc notoire, un commissaire de police, un vieux notaire, etc. Donc, des gens très différents. Et chacun vit la crise à sa... vit là-dedans à sa manière quand arrive une hyperinflation. Parce que je me suis dit que, pour être très délicat, je me suis dit, si je le mets à la monnaie, c'est bien joli, c'est un peu utopique. Alors, c'est pas exagéré. Et puis après, je me suis dit, mais dans le fond, en Allemagne, en 1923, il y a déjà eu une hyperinflation. Bon, on sait ce que ça donnait. Puis il y en a eu une en Hongrie en 46, au Brésil en 80, au Nicaragua en 88, au Zimbabwe en 2008. Je pense que c'est peut-être la pire. 80% d'inflation par mois. Pas mal. Et le problème, c'est que maintenant, on a une économie qui est mondialisée. Et on a des économies nationales qui sont tellement imbriquées l'une dans l'autre. On a vu au mois de décembre, hein, les Américains qui relèvent le taux directeur de quelques petits points, mais même pas, d'un point et demi, je crois. Et une semaine après, tous les pays émergents, hein, Brésil, Turquie, Russie, Inde, etc., crient à la panique parce que ça change, ça modifie tout. Donc une hyperinflation pourrait arriver, et ce coup-là, elle serait mondialisée, ça ferait très vite boule de neige, et on se retrouverait sans argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas qu'il n'y a plus d'argent qu'il faut pouvoir arrêter de manger, de se nourrir, de se soigner. C'est pas qu'il n'y a plus d'argent que toute notre technologie, tous nos savoirs, elle va disparaître. Donc mais les habitants de mon immeuble vont vivre cette crise, chacun à leur manière. Alors les uns comme une opportunité, les autres comme une catastrophe, les uns en essayant de ramer dans le sens du vent et les autres en freinant les quatre sabots. Donc chacun vit la crise à sa manière et c'est une façon de voir tout ce que l'argent influence actuellement. Et à côté, tout ce qui changerait si on supprimait l'argent. Ou si l'argent disparaissait. Et bien c'est terrible. C'est une fausse histoire. Quand on commence à mettre les pattes là-dedans, on ne sait plus comment s'en sortir. Parce qu'on s'aperçoit très très vite que l'argent change tout. Ça change notre façon de vivre. Ça change forcément la gestion de base de la société, les échanges, tout ça. Ça change même le langage. Hein, si vous faites attention, vous verrez le nombre de mots qui se rapportent à l'argent, le nombre d'expressions qui sont directement liées aux échanges monétaires. C'est affolant dans la langue française, il y en a des wagons, j'en ai pas en trouvé. Donc on est complètement imprégné par le système monétaire, ce qui n'est pas étonnant quand même. Le système monétaire date de 5000 ans, à peu près. Hein. Il a été inventé. L'invention de l'argent, c'est une vraie révolution. Hein. Curieusement, ça a été inventé près de la rivière Pactole. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Ça a été inventé près de la rivière Pactole, et à peu près en même temps que l'écriture, que la lettre. Et que le X algébrique. Alors c'est marrant parce que ces trois choses-là, c'est pareil, ce sont des convertisseurs universels. Et ils ont le même usage. Ils ne représentent rien. Ils ne sont rien en eux-mêmes, mais ils peuvent tout représenter. C'est pas mal intéressant. le X algébrique, on peut, c'est rien, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Mais ça peut être 1, 2 ou 3. Hein, comme la monnaie qui n'est rien, hein, qui est purement symbolique, qui peut être des pièces, qui peut être. Qui peut être même complètement, uniquement des jeux d'écriture. Hein. Déjà chez les Sumériens, ils avaient des petites tablettes avec leurs leur petits gros os, là, ils mettaient de, monsieur Attel a donné tant de bœuf, tant de bœufs à monsieur Attel. Hein, monsieur Attel a emprunté une vache à monsieur. Voilà, et à la fin, on faisait les comptes. Donc, il n'y avait même pas besoin de monnaie pour avoir un système monétaire. Hein. C'est génial, mieux que le crédit agricole. Voilà. Alors, bon, bien entendu, quand j'ai écrit ce bouquin, je m'attendais à quelques réactions d'amusement. Hein. Supprimer la monnaie, tout de suite, on m'a dit, c'est revenir au troc, sans salaire, il n'y a plus personne qui va travailler. En plus, sans monnaie, la monnaie et l'État, ça marche ensemble. Sans monnaie et l'État, sans État, ça va être l'anarchie. Hein. Voilà. Effectivement, la. Ça change beaucoup de choses. Mais en même temps, je me suis rendu compte, en y réfléchissant, que la situation avait changé. Ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai dans le Proudhon, ça peut être vrai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils très, très récents, hein, des outils qui ont parfois moins de 30 ans, mais ne serait-ce que les outils informatiques, qui changent énormément de choses. Jamais la planète n'était aussi riche. Même s'il y a peut-être de plus en plus de pauvres, mais globalement, la planète n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais eu autant de techniques qui permettent de fournir à tout le monde le nécessaire. Voilà. Et plus intéressant encore, en y réfléchissant, je me suis dit que dans le fond, ce n'était pas la peine d'attendre le grand soir. Je me suis dit que, comme dirait Michel Serres, je me suis dit que je n'avais pas vu venir le contemporain. Donc les choses changent, mais qu'on ne le voit pas encore. Il y a une vraie révolution qui est en train de se faire actuellement, ne serait-ce qu'à partir de l'informatique. C'est ce que, quand Michel Serres, il parle de la génération des petites poussettes, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous savez, les petites poussettes, c'est les gamins qui vont plus vite à mettre leur texto sur leur. Même dans la poche, d'ailleurs, ils arrivent en classe, ils font un texto dans la poche, enfin, je ne sais pas comment ils font. Ils voient les petites poussettes. Voilà. Et c'est des. Déjà maintenant, ces petites poussettes qui n'ont plus d'adresse. Nous, avant, on habitait 22 rue, machin, 30 000, 40. Voilà. Eux, ils habitent @thefree.fr. Même géographiquement, ça change les choses. C'est plus des gens qui s'engagent comme nous dans les structures. C'est des gens qui s'organisent autour d'une action avec leur iPhone, là, ils s'appellent. Voilà, puis ils se retrouvent, ils sont 3 000. Et ils restent partis pour ça, c'est formidable. En une heure, ils ont organisé ça. Et puis, quand la fête est finie, ça a marché ou ça n'a pas marché, peu importe, on se sépare pour un autre projet. J'ai eu une anecdote qui m'a fait penser à ça. Dans une réunion politique, question fondamentale qui sort comme ça, quelle est l'unité de base politique? Quelle est la première, la principale et première unité de base politique? Alors, c'était très rigolo, parce qu'il y avait trois jeunes d'une vingtaine d'années, des gens de la cinquantaine, et puis moi, je les prends à côté. Et aussitôt, les gens de 20 ans et les gens de 50 ans se sont mis à s'engueuler. Les uns disant, l'unité de base, c'est moi. Les gens de 50 ans, qui étaient habitués au syndicat, au parti, etc., disaient, non, l'unité de base, c'est la commune. Donc, ils discutaient là-dessus, et puis au bout de 5 minutes, je leur dis, attendez, ça va pas, arrêtez, vous voyez pas, vous entendez pas. J'ai constaté comme ça de visu qu'ils n'avaient pas la même structure mentale. Ils ne pouvaient pas s'entendre, ils ne pouvaient pas se comprendre, c'était impossible. Alors je me dis, moi, que quand les vieux schlocks comme moi auront disparu, et qu'à la place, il y aura des jeunes qui seront nés avec ça, et qui deviendront les enseignants, les cadres, les éducateurs, les experts, les penseurs d'un nouveau monde, les choses vont radicalement changer. Et ça, c'est en route. Simplement, on n'a pas vu venir le contemporain. Voilà. Dans mon roman, là aussi, je ne cite qu'une seule fois les anarchistes. Uniquement pour dire que ce sont peut-être les seuls qui ont réussi à penser suffisamment loin pour accepter une idée de désargence, c'est-à-dire de sortie d'un système monétaire, parce que eux, ils ont pensé à ce qu'était l'État, à ce qu'était le pouvoir, à ce qu'était la liberté, l'autonomie, plein de choses comme ça. Donc je ne fais que les citer, parce que j'ai voulu faire un bouquin qui s'adressait non pas aux gens qui sont convaincus d'avance, pas aux gens qui lisent régulièrement le mot libertaire, mais à des gens qui ne savent pas, simplement. Ils n'ont pas pu y penser parce qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires. Moi, je suis heureux quand je vois un bâtard pensionnaire qui a un petit portefeuille au Crédit Agricole, qui vote en plein centre de la cible électorale, qui d'un seul coup se met à penser, parce qu'il a lu un bouquin comme ça, que il y a les trois quarts des délits, par exemple, qu'il croyait condamnables, ne sont dus qu'à des injustices, qu'à la frustration. Je suis heureux quand un catholique pratiquant se met à rêver de bénitier autogéré. Hein. Il faut un début à tout. Je suis heureux quand un militant de la CGT déchire la banderole où il avait soigneusement écrit pour pouvoir l'achat, etc. Je suis libre quand un encarté n'importe quel compte se met à douter d'un possible programme et qui s'aperçoit que son parti est aussi perverti que le banquier qui l'exacte. Et puis je me délecte quand, dans une discussion, des gens se mettent à penser qu'une société sans échange, sans profit, sans don, sans troc, pourrait être possible. Tout ça, c'est pas bon. Parce que le troc, c'est aussi le troc de retour de la monnaie. Ça ne change rien, le troc. Actuellement, on a des besoins, des ressources. Et on a, ce qui est tout neuf, le moyen de mettre tout ça en corrélation. Et on pourrait remplacer tous ces termes d'échange, de profit, de troc, tout ça, par l'accès. Pour moi, c'est le mot fondamental. Il suffit de donner accès aux gens à tout. Alors, ce qui est très curieux, c'est que dans notre société, on ne parle d'accès que quand c'est à la limite de la marchandisation. On parle de l'accès à la culture. On parle de l'accès aux soins. On ne parle pas de l'accès à la bouffe, parce que la bouffe, ça se vend. Et ce qui se fait pour dans ces domaines-là pourrait se faire partout. Il suffit d'organiser l'accès. Voilà. Il y a déjà des choses qui se font. Quand on donne à manger à nos enfants, quand on les éduque, quand on les soigne, on n'attend pas d'argent en retour. Quand on est à la retraite, depuis que je suis à la retraite, je vois les gens autour de moi, c'est fou ce qu'ils sont débordés, les retraités. Ils n'arrêtent pas. Les associations bénévoles sont en développement exponentiel. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie tendance à s'investir, à rendre service, à être utile hors du système monétaire. Pourquoi pas le généraliser. La première fois que j'ai présenté ce livre, je suis tombé sur quelqu'un qui m'avait lu juste avant. Alors, qui a été très frappé par un personnage du roman, qui est un enfant né après la crise. Parce que ma fameuse crise, je l'ai située arbitrairement comme ça en 2029. C'est par hasard. Tout à fait par hasard, c'est fortuit. Et donc, dans le bouquin, il y a un petit gamin qui est né après la crise. Et il se pose des questions, il essaie de comprendre comment pouvait marcher la société d'avant, la société monétaire. Et il dit aux adultes, vous êtes fous, ça ne va pas. Comment vous pouviez croire à ça? Comment vous pouviez espérer un résultat quelconque dans ce cadre-là? Il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre. C'est exactement ce qui se passe actuellement, mais par rapport à la désargence. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Sans argent, ce n'est pas possible. Voilà. C'est même étonnant, mais dans l'autre sens. Donc, tout l'espoir n'est pas perdu. Donc, proposer de jeter le porte-monnaie aux orties, et puis instaurer la gratuité de tout. Enfin, la gratuité. Le mot même serait supprimé. Parce que pour qu'il soit gratuit, il faut qu'il y ait des choses payantes à côté. Donc, si tout est hors monnaie, le mot gratuit disparaît. Voilà. Je pense que, comme le disait Raoul Vaneghem, que c'est effectivement éminemment révolutionnaire de penser ça. Mais je pense aussi que c'est éducatif, parce que ça donne à penser, dans tous les sens du terme, hein, avec un A ou avec un E. Souvent, les gens qui ont lu le livre me disent que ça les a obligés à tout remettre à plat. Notre façon de vivre, notre façon de penser, les rapports familiaux, la sexualité, la violence, la perversion, ce qu'on en fait, comment on le réprime, comment on le soigne, comment on le vol ou l'exclusion, comment on produit, actuellement on produit pour faire des profits, point final. Si sans argent, on se poserait forcément les questions fondamentales quand on produit quelque chose. Pour qui je vais produire? Pourquoi je vais produire? Comment je vais produire? Si on se pose ces trois questions-là, ça change tout. Alors, comment je vais consommer? Pareil. Voilà, et ce qui m'importait surtout, c'était de montrer que beaucoup de nos luttes actuelles sont très sectorisées, comme on dit, hein, sont très spécifiques. Alors, mes copains anarchistes, ils défilent dans la rue avec leur bannière antifasciste. Hein, j'ai mes amis écolos qui s'échinent à lutter contre des projets inutiles et imposés. J'ai mes copains anti-gaz de schiste qui scrutent à l'horizon le moindre camion foreur qui approcherait de leur montagne. L'ami Raoul Gédard, il s'échine comme un beau diable à faire ses conférences sur le traité transatlantique, enfin le TAFTA. Il le fait très bien d'ailleurs, très brillamment. J'ai rencontré Étienne Chouard, qui fait ses ateliers constituants. C'est extrêmement intéressant sur le plan éducatif, hein, parce qu'il force les gens à réfléchir, c'est très bien. Bon, il s'est commis avec des gens un peu douteux, mais il semble qu'il ait gagné sur une taxe, ça a été chaud. Mais ces ateliers constituants sont effectivement extrêmement pédagogiques. Plus toutes les alternatives, les selles, les milieux locales, ça fleurit dans tous les sens, les AMAP, tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça, c'est quand même changer de pansement, une pensée de changement. Enfin, alors qu'en face, on a en face quand même le néolibéralisme, hein, qui n'est pas rien. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'ils sont en train de nous faire un nouvel ordre mondial quand même, hein, avec des laboratoires dans la nature, hein, ce qu'on appelle les pigles. Moi qui vis, je vis 5 mois par an en Grèce, on en prend plein la gueule pour pas un rond, et on voit ce qu'ils sont capables de faire. Et jusqu'à quel point la grenouille est capable de rester dans le bocal qu'on chauffe sans penser à sauter. C'est un vrai laboratoire. Et puis ils sont puissants, avec les think tanks qu'ils ont, avec les turiféraires qu'ils ont, avec les fidèles du vieux marché qu'ils ont, avec les chaînes d'art qu'ils ont, ils sont puissants. Qui aujourd'hui est capable de rassembler autant, de convaincre autant, en tous les cas pas. Voilà. Alors avant de... Parce que là je parle beaucoup, je parle trop. Avant de laisser place au débat, je vais essayer de préciser un peu comment je vois cette société sans argent. En fait, au départ, je ne savais pas. Hein, je ne savais pas comment ça pouvait se passer. Donc, ça a été un long mûrissement. Et puis, entre-temps, enfin, depuis la publication de ce livre, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres qui étaient dans le même cas que moi, qui pensaient la même chose. Des gens très différents, pas forcément des anarchistes d'ailleurs, c'est un peu de tous les milieux. Et il y a une espèce de convergence, non seulement en France, mais en plus à l'étranger, ce qui est quand même intéressant. Donc il y a, ça m'a fait penser à ce que disait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et je crois que là, on est face à des contradictions telles, à des apories telles, hein, qui sont réellement structurelles, qui sont dues au système. C'est pas, on est obligé de penser autrement, on est obligé de changer de paradigme. Et c'est donc intéressant d'imaginer dès maintenant, même si ce n'est pas pour demain, d'imaginer dès maintenant comment ça pourrait se faire ou s'y préparer. C'est peut-être le seul intérêt pour moi des seuls, des données interactives, etc. C'est ça. À défaut de résoudre fondamentalement les problèmes, c'est peut-être une bonne façon de préparer le terrain, hein, de s'y mettre, de réfléchir, de se confronter à des choses très très concrètes. Voilà, donc le problème d'une société sans argent, c'est de permettre le lien entre ce qui est produit par la société et de le mettre en rapport avec les besoins que l'on a, hein, avec les besoins essentiels, hein, manger, boire, dormir, se chauffer, se vêtir, mais aussi les besoins annexes, hein, qui sont moins importants, pas essentiels, mais qui ont leur place, voire les besoins complètement superflus, hein, le luxe, l'art, si on imagine la puissance de calcul qu'ont les banquiers et la puissance informatique qu'ils développent, si on transformait les banques en les dispensant de faire de gérer des flux financiers colossaux, si on leur demandait d'utiliser leur ordinateur pour mettre tout ça en rapport, ils sauraient très bien le faire. On a tout ce qu'il faut pour le faire. En plus, on a des codes barres. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous allez dans le supermarché, vous passez à la caisse, la caissière met sur le stop, elle prend une carte, elle met sur le code barre, et aussitôt le magasinier sait ce qui reste en magasin, à quel moment il doit commander de nouveau, réapprovisionner le stock, où ça se trouve, etc. Or, ça, ce petit code barre-là, c'est quelques centaines de signes. C'est pas grand-chose. Mais on a maintenant des codes barres, alors des codes barres en 3D, des codes barres en rond, en carré, t'as vu, souvent on voit les carrés, mais donc, ça fait oui, un petit carré, des petits codes barres. Et maintenant, on a des codes barres, mais qui mettent des millions de signes. On peut mettre un bouquet entier dans un code barre. Et donc c'est une puissance de gestion qui est absolument extraordinaire. Voilà. Et on pourrait très bien gérer la production, hein, depuis le petit agriculteur bio jusqu'au gros producteur de voitures, de machines à laver, de tout ce qu'on veut, et gérer en même temps les besoins des gens, pour pouvoir les mettre en relation et qu'on sache à tout moment ce qu'il faut pour produire, ce qui est nécessaire, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, et non seulement sur le plan matériel, mais sur le plan intellectuel. Hein. Au lieu d'avoir des brevets, des copyrights, des choses comme ça qui nous emmerdent, qui nous coincent. Parce que depuis que j'écris ça, je me suis un peu intéressé à la technologie qui est enfouie. Et c'est terrible. Tous les jours, j'en trouve. Il y a des inventions qui sont fabuleuses et qui ne sont pas utilisées uniquement parce qu'elles ne sont pas rentables. J'ai eu une discussion avec un ingénieur d'EDF à propos des moteurs stériles, je ne sais pas si vous connaissez. C'est fabuleux, c'est des moteurs. C'est une technologie très moderne, ça a été inventé en 1878, je crois. C'est un moteur qui suffit qu'il y ait de l'air chaud d'un côté, de l'air froid de l'autre, ou de la lumière d'un côté, de l'obscurité de l'autre, le moteur il se met en route. C'est mieux. Et alors j'ai expliqué ça à l'ingénieur d'EDF qui me répond: oh, mais c'est un truc de. C'est bon pour l'épine, ça, c'est de la connerie, mais personne ne s'en servira jamais, ces machins-là, ça ne va pas marcher. Pourtant, il y a des gens qui s'en servent. Qui s'en sert actuellement? Alors, très curieux. C'est la NASA. La NASA, pour eux, c'est pas con. Parce que sur les planètes spatiales, sur les satellites, ça fonctionne très bien. Il y a aussi quelques équipes scientifiques qui travaillent en milieu extrême, au plein centre du désert australien, hein, ou dans l'Antarctique. Parce que là, ils ont des problèmes d'énergie. Et le moteur Stirling fonctionne impeccable. Il est facile à fabriquer. Il est économique. Il n'est pas polluant. Il a toutes les vertus, seulement il n'est pas rentable. Donc, le seul fabricant, si vous voulez acheter un moteur Stirling, c'est un peu difficile. Il y a un petit producteur qui en fait, il est en Nouvelle-Zélande, c'est un peu loin. Voilà, on lui casse sa marée à braque. Ouais, pour ne pas condamner. Et des idées comme ça, mais il y en a plein. Des idées qui répondent à des besoins écologiques, mais ils ne sont pas économiques. Tout ça, sans argent, ça disparaît. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Sans compter qu'on est dans une société où on gaspille beaucoup quand même, hein. Il y en a 50% de ce qui est produit dans l'alimentation qui fout le camp parce que c'est pas dans les normes, s'il y a une surproduction, voilà. Donc il y a des gens qui crèvent de faim et puis les paysans bretons qui vont brûler leurs choux parce qu'il y en a trop. Voilà. Au niveau manufacturé, c'est pareil, hein, entre l'obsolescence programmée, le packaging inutile, la publicité. Il y a des gens qui disent que 10% de la publicité mondiale suffirait à résoudre le problème de la faim et de l'eau potable dans le monde. Ça fait rêver quand même. Hein. Bon. Donc, sans argent, on serait forcément obligé de savoir qu'est-ce qu'on produit, pour qui, pourquoi, comment. Et ça marcherait nettement mieux. Oui, quant à l'argument de, des gens qui arrêtaient de travailler parce qu'ils n'auraient pas d'argent, moi j'y crois pas. Et croire que la pénurie suivrait la désargence, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'argent qui crée la pénurie. La pénurie est indissociable de l'argent. Si on ne crée pas de pénurie, la monnaie elle-même n'a pas de valeur. La monnaie a de la valeur uniquement parce que certains en ont et d'autres n'en ont pas. Et tout notre système est construit comme ça. Donc on crée la pénurie. On n'a pas envie de l'abondance pour tous, on n'a pas envie. Alors on produit trop, de façon sélective, pas pour tout le monde, et n'importe comment, en polluant la planète, en la pillant. Donc mon roman c'est un premier pas. Il y a des choses que je modifierai maintenant si je devais réécrire. Et depuis je travaille sur un autre ouvrage, alors là un peu moins romancé, parce que je vois qu'il y a de la demande. Et donc on travaille à plusieurs, on s'est mis un petit groupe, et j'essaye de voir concrètement comment ça pourrait se faire. C'est-à-dire de voir toutes les objections. Quelle est la faisabilité d'une société sans argent, de voir tout ce que ça changerait. En réexaminant tout, depuis la justice jusqu'à l'immobilier, l'urbanisme, la famille, la sexualité, on prend tout. Voilà. En se posant chaque fois la question, comment ça se passe dans notre société argentée, comment ça se passerait dans un monde sans argent, et comment on pourrait envisager une transition. Voilà, selon ces trois questions. J'espère terminer cet été et que je pourrai le dire rapidement pour vous en faire part. Voilà, j'espère que vous avez des questions à poser. Donc la parole est à la salle, vous faites un petit signe, je prends les tours de parole. Bah, déjà ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde de brut dans lequel on vit, quand on lit ce bouquet, Ça fait de l'air frais. le temps qu'on passe dans le bouquin, on y est, on est enfin dans un autre monde. Bon, ça, c'est la première vertu de ce bouquin, incontestable. La deuxième, quand même, c'est que c'est vrai que ça oblige à se poser un tas de questions, un tas de choses qui paraissent évidentes, qu'on range dans les utopies, on dit oui, ça, c'est pas réalisable, c'est bien, c'est gentil, etc. Concrètement, je veux dire, la question peut et alors les réactions de l'adolescent là au milieu qui interroge le grand-père, je crois, hein, c'est ça, qui lui dit mais comment vous faites, etc. C'est nous qui l'interrogent. Et on est obligé de répondre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est franchement, c'est outre le fait, je répète que ça fait vraiment du bien parce que. Bon, mais quand même, on est obligé de s'interroger, de se dire, ben oui, des solutions, il y en a. On n'est pas condamné au système dans lequel on est. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres perspectives, et ce n'est pas forcément des rêves inatteignables. Voilà. Donc, pour ça, bravo. J'ai 10 enfants qui vont de... De 4 à 18 ans. Alors, quand j'ai mis 4 ans, il n'a pas réagi. Mais à partir de 16 et 18 ans, ça les interpelle. Est-ce qu'ils ont fait venir à leurs camarades. Eh bien, ils en parlent. Ils en ont parlé à l'école. Alors forcément, ils sont fait jeter parce que les profs ont dit. Bah, père, tu as raconté ça. Bon, mais parce que les enseignants ne sont pas forcément prêts à expliquer par une gamine de seconde ou de quatrième, c'est vrai que c'est pas évident. Quoi. Mais ça leur a plu. Et maintenant, ils me posent plus la question. Papy, c'est vrai que tu es anarchiste. Ils ont compris hein, que je l'étais. C'est déjà ça. J'ai bien apprécié le premier bouquin, déjà, parce que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est déjà un moment de rêve, donc pour le moment, on va se faire vraiment rien. Il y a quelques points que je n'imaginais pas comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir certaines confrontations. Pour avoir essayé déjà d'avoir pas mal réfléchi sur les notions de société sans argent, j'arrive pas tout à fait à imaginer ce dont j'ai parlé. Obligatoirement des sociétés qui auront au moins des échanges. Une société, c'est une partage d'échanges. Une société qui tend vers l'égal. Je ne sais pas si tu peux nous donner des exemples de comment ça pourrait fonctionner. Pourquoi des échanges? On échange parce qu'il y a l'argent. Parce que quand on fait partie du bar, on a un producteur qui connaît ses clients, qui sait exactement ce dont ils ont besoin, donc il sait ce qu'il doit produire. S'il fait quelque chose de travers, s'il bourre ses clients de choux et qu'il ne met jamais de pommes de terre, au bout d'un moment, ses clients vont lui dire, écoute, tes choux, choux blanc, choux vert, choux petit, choux rouge, je sais bien, mais un peu de patate, des frites, par exemple, ça ferait du bien. Donc, plante des frites. Quand même, on peut dire que ce que vous êtes en train de décrire est précisément de l'ordre de l'échange, peut-être pas de l'échange tel que nous le connaissons, mais quand même, il y a un producteur et qui donne, enfin, je ne sais pas quel mot il faudrait employer, et qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre, et voilà. Alors peut-être que si quelqu'un d'autre donnera quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre, mais enfin, on ne peut pas, déjà là, qu'est-ce qu'on fait d'autre, si ce n'est voilà. Échanger par la parole. Et très rapidement. Très rapidement. On se trouve face à des échanges qui sont un peu plus compliqués, parce que échanger une vache contre des patates, c'est pas évident. Une vache, ça vaut combien de patates, etc. Donc, très rapidement, on arrive à inventer ce qu'ont fait les Sumériens, à inventer un convertisseur universel, c'est-à-dire une monnaie. Alors, on peut toujours espérer que la nouvelle monnaie, elle sera plus propre, plus morale, si on veut, mais on ne change pas le système. Or, moi, ce dont je parle, c'est de production et d'accès. Il ne s'agit pas de donner à quelqu'un, il ne s'agit pas d'échanger, il s'agit d'ouvrir l'accès. Quand et ça, c'est une donnée, c'est peut-être une vraie révolution de l'école, mais c'est ce qui me paraît le plus important et le plus intéressant. Parce que quand je produis quelque chose, que m'importe ce que cela va rapporter, si ça va être rentable ou pas, si j'ai de. Quand j'écris un bouquin, je suis obligé de passer par un éditeur, ou bien de faire de l'auto-édition, mais dans les deux cas, c'est de l'argent. C'est un imprimeur qu'il faut payer, c'est un diffuseur qu'il faut salarier, c'est des libraires qui vont vendre, qui vont prendre leurs bénéfices au passage. Donc on est pris par l'argent. Et je suis empêché de faire des bouquins parce que je n'ai pas les moyens. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont aussi le pouvoir. Parce que l'argent et le pouvoir, ça marche ensemble. Et donc, j'ai écrit un bouquin, un roman historique, que les gens, je l'ai publié à 150 exemplaires, parce que j'avais mes petits moyens, c'est ce que je pouvais faire. Les gens se sont arrachés ce bouquin, je n'en ai plus un, mais pas pour moi. J'hésite à le rééditer, mais je ne peux pas, parce que toujours je suis coincé par l'argent. Alors que dans une société sans argent, mon bouquin, je l'écris, s'il plaît, on l'imprime au fur et à mesure des besoins. En plus, avec les moyens qu'on a actuellement, ça se met sur une disquette, quand il y a trois pingouins qui veulent mon bouquin, on sait, avec les codes barres, on sait où il se trouve, où est la disquette, l'imprimeur, l'imprimeur qui va sortir mes bouquins, il n'a pas de souci à se faire puisqu'il a, de toute façon, il a accès à tout ce dont il a besoin. Il a besoin de pommes de terre, il va chez le paysan, il a ses pommes de terre, il a besoin de vêtements, il y a une fabrique de vêtements qui lui fournit ses vêtements. Mais ils n'ont pas besoin de se faire payer puisqu'ils ont tout eux-mêmes. Hein? Actuellement, pour acheter un bouquin, il faut de l'argent. Hein? Mais pour avoir de l'argent, il faut travailler. C'est une espèce de cercle vicieux. Hein? Et c'est comme ça qu'on nous fait croire que le travail salarié, c'est incontournable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez ce qui se passe dans le bénévolat. On fait plein de choses complètement gratuitement, sans argent. Et ça fonctionne. Pourquoi ce système-là ne serait pas transposable à un niveau global, même au niveau des États, ça peut se faire. Actuellement, on fait du commerce international. Pourquoi ne ferait-on pas une distribution internationale qui serait hors système monétaire? Et si le boulanger a tout, pourquoi est-ce qu'il se lèverait le matin à 5h pour aller faire le pain? Alors là, j'ai posé la question pire que ça. Mmh. J'ai été voir un vieux mineur, un vrai, silicosé et tout, tout ce qu'il faut. Et je lui ai dit, voilà, demain je te fais une société sans argent, donc sans salaire. Est-ce que tu descends la mine? Tout de suite, j'appelle les copains, on y va ensemble. C'était scié. Alors je lui dis, oh, tu te rappelles quand même que quand tu étais mineur, tu descendais dans la rue pour défiler parce que les conditions de travail étaient pourries, la vie a explosé, il y avait 40 morts. Mais c'est pas ça. Le métier, il nous plaisait. Ça, c'était bien. C'est un vrai métier d'homme, ça. Jamais vous trouverez un métier où il y a autant de solidarité, où il faut faire autant confiance aux autres. Peut-être les marins, il y a quelques métiers comme ça, mais c'est exceptionnel. C'est une vie formidable. Et effectivement, s'il n'y avait pas l'argent, on aurait la sécurité, parce qu'on prendrait les moyens, et on serait obligé de travailler 10 heures par jour, et on serait obligé de faire ça pendant 40 ans, c'est ça qui nous tue. Et il dit, mais même des jeunes qui ne sont jamais descendus, avant de nous entendre parler, tu ouvres la mine, demain il y a plein de monde. On ne peut pas trouver plus difficile que la mine, plus dangereux, plus ingrat. Là, il y avait un temps. Une minute, il y avait une intervention. Je suis pas pressé. Hein. Vas-y. Je suis McDonald's. Une loge de la lente. Ouais. Moi, je me demandais, vis-à-vis de la sophistication des biens que produit notre société, comment est-ce qu'on pourrait régir une société sans argent? C'est-à-dire, si demain tout le monde veut des yachts, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Et pour ça, je voudrais prendre le parallèle du marché du vin. Parce qu'il y a des vins bas de gamme, des vins très haut de gamme. Tu peux pas produire des vins la Romane et Conti, tout le monde n'en aura pas, parce qu'il y a une question de quantité, tout simplement. Et puis aussi du rapport du vigneron et puis de l'ivrogne, quoi. C'est-à-dire, s'il y a du vin pour tout le monde, est-ce que il va y avoir suffisamment de vignerons pour le produire? Parce que quand t'es bourré, t'as la gueule de bois, tu vas pas forcément en ta vigne. Et du coup, je sais pas comment est-ce que t'envisages ce marché du vin, par exemple. Je sais pas. C'est la première fois qu'on pose la question. Mais je réponds à ta question. Je vais y avoir sûrement quelque chose à voir là-dedans. Pour le yacht, tu réponds. Pour le yacht, tu réponds. Pour le yacht, tu réponds. Pour le yacht, j'ai plein de solutions pour le yacht. C'est la Romane et Conti. En tant que marin, j'ai pas mal navigué. Pour les yachts, c'est très facile. Ça. Mais par contre, l'histoire du vin, c'est intéressant. Mais c'est un peu la même chose. Parce que la Romane et Conti, c'est un peu le yacht. Il n'y a pas de la Romane et Conti pour tout le monde, il n'y a pas des yachts pour tout le monde non plus. Mm-hmm. Tu vois, maintenant, tout le monde pourrait avoir une petite barque, soit. Mais le yacht de 40 mètres, comme il y a la Cassis, c'est pas évident qu'on puisse le produire, même avec toute la bonne volonté de. Quel intérêt de produire des yachts? Ah, mais va voir sur le vieux port, la bande de gros cons là, qui veulent tous des yachts. Bah, je suis là. Mais non, mais. Dans une société sans argent, chacun s'en tourne. Attends. Enfin, déjà, il faudrait trouver des gens pour le produire. Ouais. Quel est l'ouvrier qui va. Ça sera aussi compliqué que de fabriquer des bombes à fragmentation. Hein, quel est l'ouvrier qui va. Tout de suite, il va dire, attends, qu'est-ce que tu me fais faire? On fait ça pour qui? Pour un connard là, qui veut frimer autour du bruit droit, ça va pas. S'il veut, je lui construis une péniche, je lui construis un petit foyer de 20 mètres, encore on a les moyens de faire du bruit de 20 mètres impeccable avec du panneau solaire et tout ce qu'il faut. Hein. pour pas cher, en plus. Sans polluer le... C'est vrai que maintenant, dans la société de fous dans laquelle on est, là, cet été, je me suis trouvé en pleine crise en Grèce, dans un port, je vois arriver un yacht, le mec il va à la pompe, je regarde les chiffres qui tournaient, une retraite qui part, deux retraites qui part dans le réservoir comme ça. Qui sait dans une société sans argent, qui sait qui va accepter ça? Personne. Le mec, il n'aura pas son yacht. On va lui proposer un voilier. Ou à la rigueur, un bateau avec un moteur électrique. Alimenté par un moteur stérile. Ça ne coûte rien à personne. Tu commences comme ça, tu après, tu arrêtes de faire des faux, tu arrêtes de faire. Pourquoi arrêter de faire des faux? Non, mais c'est pas que c'est parce que c'est moi. C'est parce que c'est. Alors, c'est. Attends, tu voulais terminer quelque chose? On va dire tout de suite. Mais le vin, j'aime bien les chiffres. Ouais, dans le vin, ça mérite débat. Si tu veux, alors. Vas-y, après. Je vais vous laisser un peu. Non, vas-y. Toi aussi, Fanny. Toi aussi. Allez-y. Ah non, je l'ai pas vu. Voilà, parce qu'elle est derrière. D'accord, mais je l'ai pas vu. Vas-y, laisse toi. Toi, Marie-Van. Bon, alors, d'une part, c'était par rapport au travail. Donc, effectivement, l'argument, s'il n'y a plus de salaire, on se lève plus le matin pour aller travailler. Bon, je contre sur deux plans. Un, tu en as déjà parlé, bénévolat, militantisme, etc. C'est quand même effarant de voir ce qu'on est capable de faire et à quel point, enfin, moi je sais, parce que personnellement c'est le cas, de pouvoir être vanné dans les grandes largeurs, de dormir plus que 3 heures par nuit, les jours où on fait un truc collectif. J'ai jamais eu des horaires aussi délirants qu'en 2003 quand j'ai fait 6 semaines de grève, parce que les heures de cours à côté, je suis prof d'ailleurs. Je pouvais presque certains jours rêver de mon petit emploi du temps de prof à côté de celui d'une gréviste motivée, parce que entre les âgés, ceci, cela, cela, la autre chose, enfin bref. Bon, voilà, le premier argument c'est celui-là. Donc ce qui prouve bien qu'on a un autre moteur que le salaire. Quand on relève les manches ou qu'on épluche des patates ou qu'on fait du ménage ou qu'on prend la truelle ou qu'on. Phase des âgés, voilà, ça prouve bien qu'on a un autre moteur. Et l'autre moteur, il est prouvé aussi autrement, avec le monde de fou dans lequel on vit, tu l'as assez dit, et les gens qui étudient le burn-out, etc. Donc le burn-out au travail, ils disent bien que le burn-out, il arrive aussi parce que ben, le mineur, etc., c'est plus facile à dire avec. Des boulots comme ça sont mis dans des conditions de boulot qui. Et c'est pas seulement le petit chef qui te gueule dessus toute la journée et te dit ensuite, c'est des gens qui produisent, qui ont toujours aimé produire et qui au jour d'aujourd'hui ne peuvent plus produire comme ils produisaient correctement, etc. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. C'est plus facile de dire sur l'ouvrier, c'est-à-dire des gens qui fabriquent vraiment des choses, pas que sur des trucs un peu plus intellectuels, mais. Pour aller développer chez les profs, hein, c'est bien le problème. Voilà. Donc, dans les deux cas, ça montre bien que, bien sûr, qu'on en a un autre dénonceur que celui du FA. Nous, parce qu'on a l'idéologie du travail, on a été élevé dans la religion. Oui, mais. Je vous donne un tout petit après, exemple. Je voulais aussi rebondir sur. Un tout petit exemple. J'ai travaillé, dans un centre de soins pour toxicomanes. Qu'est-ce qu'il y a là? De plus hyper consommateur que le toxicomane, il n'y a pas. De plus causard, il n'y a pas. Donc, on était dans un centre à la campagne, une vieille ferme qu'on avait retapée, et forcément pas tout à l'égout. Et puis, de temps en temps, arrivait que la fosse qui nous servait à recueillir les eaux grasses se bouchait. Je ne sais pas si vous avez fait ce travail-là, mais déboucher avec des seaux une fosse qui fait de faire dans les 500 litres, et qui s'est encrassé et qui ne s'écoule plus, c'est pas ragoûtant. Donc je me suis trouvé en face de toxicomanes qui n'avaient strictement rien à foutre, à part qu'ils voulaient bien bouffer quand même. En leur disant, ça ne fonctionne plus, on ne va plus pouvoir faire la vaisselle, et donc on ne pourra plus faire la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, forcément, comme dans toute société, il y a des gens qui disent, va te faire voir avec ta fosse septique, tu m'emmerdes. Et puis il y en a d'autres qui disent, d'ici 2-3 jours, on va être vraiment dans la merde. Hein. Donc, il faut faire quelque chose. Et mais ils sont véritables, ils font rien. Et puis, dans le tas, j'ai toujours eu 3, 4, 5 volontaires qui disaient « Allez, on se retrousse les manches et on le fait. » Et à la fin, ils y trouvent une gratification. Parce que tout le monde se dit, tout, y compris les plus vieux, les cossards se disaient « Ceux-là, ils ont eu du cran quand même. » C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Hein. Et puis, ils ont sorti un sacré pétrin. Voilà. Et il n'y avait pas d'argent. Hein. Il n'y avait pas de motivation d'argent. Donc, dans une société sans argent, on va se retrouver, effectivement, avec des gens qui vont rien pouvoir foutre, avec des gens qui vont saboter le travail, avec des gens qui vont en faire trop, hein, avec, comme maintenant. Hein. Simplement, on aura quelques problèmes qui sont pour l'instant insolubles, comme le chômage, le réchauffement de la planète, etc., qui vont disparaître. Hein. Alors, si on... Tout n'est pas imaginable, tout n'est pas pensé, tout n'est pas... J'ai pas de réponse à tout, hein. C'est pas... J'ai pas un pouvoir politique, je suis pas Mélenchon, moi. vas-y, tu avais une autre... Non, juste... Non, elle n'avait pas terminé. Et après, il y a la... Cette personne... Bon, vite fait, du coup, pour finir sur... oui, mais non, machin, mais... Bon, voilà, là, du coup, je redis, je suis prof, et donc, du coup, je suis bien placée pour voir ce que ça donne avec... je suis en lycée, donc des ados... à qui la première fois, je sais pas, je monte les escaliers avec mon cartable et je regarde le ménage, je lui dis, tu peux bien me monter mon cartable s'il te plaît? Non, mais pourquoi moi? Bon, au bout d'un mois, madame, vous voulez que je vous envoie le cartable? C'est une anecdote juste pour montrer que c'est pas à nous, c'est pas, on n'est pas des élites, on n'est pas tout ça, c'est. Et du coup, ça rejoint, pour faire très vite, pour pas me mobiliser. Par rapport au yacht, c'est plus facile sur le Romano, parce que je vous remontez du Romano. Romané. J'en ai rien à foutre d'un yacht, mais bon. Bon, l'histoire du yacht, pourquoi ils veulent un yacht? C'est parce que c'est la société dans laquelle on est qui fait que t'as envie d'un yacht. T'as envie d'un yacht, pourquoi? Parce que je vais déraper, quand j'ai une grosse bagnole, bon voilà, c'est la macabine. Bon. On a envie d'un yacht parce que le yacht il représente ceci, cela, le reste, autre chose. Le yacht il permet de dire je suis certaine, moi si j'avais un yacht je garderais tout le temps parce que je suis une mal de mer, mais je suis sûre qu'il y a 50% des gens qui ont des yachts et qui gerbent. Ils aiment tout ça en fait, ils ont mal de mer, c'est sûr. Ils sont obligés. Voilà. Sauf qu'ils ont un yacht quand même, sans déconner, tu vois. Et voilà, ils enlèveraient les envies, les machins, les trucs. Faut pas oublier ce travail de la pub, il faut pas oublier ce travail du... Il n'y a pas beaucoup de pub pour les yachts, quand même. Hein, c'est à pas... consommer, à exister voilà. À travers notre consommation, et etc. Allez, bientôt, peut-être. Tu voulais pas... Oui, moi je me demande comment ça peut fonctionner dans le domaine de la recherche, par exemple. Former un chercheur, ça prend du temps, ça coûte. Le chercheur, ensuite, il a besoin de labo, il a besoin de matériel, il a besoin coûteux. Ouais. Et dans le domaine de la médecine de pointe, comment ça peut marcher? On va changer un cœur, là, etc. Comment on va faire? J'ai beaucoup interrogé des chercheurs, parce que justement, au début, je me suis posé la question. Alors, j'ai rencontré un scientifique qui travaille dans un laboratoire, j'ai rencontré un archéologue, par exemple. Je leur ai demandé de parler de leur métier, de rapport avec l'argent. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Je pensais avoir des objections. J'étais persuadé que j'allais me faire trouver un peu rigolo et utopiste. Et en fait, ces gens-là m'ont dit, je pense pleurer. Parce qu'il y a des tas de recherches qu'on ne fait pas parce qu'elles ne sont pas rentables. Pensez par exemple aux maladies orphelines. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de patients pour que la recherche soit rentable. Donc on ne le fait pas. Or, tous les scientifiques savent que la plupart des grandes découvertes ont été faites par hasard. Si on a inventé la pénicilline, c'est parce qu'il y a un mec qui s'est baladé de son laboratoire pour partir en vacances. Il faut le savoir, ça. Il avait une culture de virus, il avait une autre culture, voilà. Il revient, il y avait des champignons qui s'est développé, il s'est aperçu qu'ils avaient bouffé ces virus. Mm-hmm. Il dit, tiens, il y a quelque chose, il n'a pas compris. Hein. Donc si c'était pas barré en vacances en laissant le bordel dans son laboratoire, il n'aurait jamais trouvé ça. Et quand même, les antibiotiques, ça a un intérêt. Et tous les scientifiques m'ont dit que, enfin, quelques gens que j'ai rencontrés m'ont dit que, au contraire, ça pourrait développer la, ça pourrait développer le, enfin, la recherche. Parce que actuellement, la recherche coûte cher parce qu'elle est, monnayée, parce qu'elle est étalonnée par l'argent. Parce que on donne une valeur à un scanner, ça vaut tant. Hein, un yacht, ça vaut tant. Un bonhomme, ça vaut tant. Ça gagne tant. Hein. Et tout est quantifié comme ça. C'est comme ça d'ailleurs que je pense pour les yachts, c'est pareil. Hein. Pour être le meilleur, il faut avoir le plus gros yacht, la plus grosse voiture, le plus gros zizi. Enfin, hein, ça se voit partout, même dans la sexualité. Oui. Dans la pornographie plutôt. Ou dans la pornographie. Donc, au niveau de la recherche, si un chercheur a besoin de matériel qu'il faut fabriquer hors d'impératifs financiers, ça sera plus facile. En archéologie, alors là, c'est l'archéologue qui est tyrannique. Parce que lui, il est fou furieux, parce qu'il fait des recherches, il trouve des choses fabuleuses, mais il faut faire vite, parce qu'on a, il a 3 mois pour faire son chantier. Alors après, on enterre tout. Voilà. Ça se conserve, hein, mais il a un gâchis épouvantable. Allez-y, pour reprendre. Après. Il est temps, hein. Oui, non, je voulais juste, c'est un peu de la moutarde à Pauline maintenant, mais je voulais juste relever par rapport à vos exemples là, que tout le monde n'a pas envie de Romani Conti, tout le monde n'a pas envie d'avoir un yacht, et ça présuppose ce que vous disiez, une uniformisation des désirs, des besoins, qui est spécifique, comme disait Madame derrière, d'un certain type de société. Si on parvenait à cette magnifique chose d'une société sans argent, on peut espérer que nos désirs seraient moins formatés et que bon, on aurait tout à fait la liberté de ne pas du tout avoir envie de choses de ce type. Quoi. Merci, bon, j'arrive un peu tard, désolé, mais je ne sais pas si vous avez parlé de ce que je vous ai demandé, mais maintenant avec cette dernière question, en relation à la recherche, je me demandais si, par exemple, pour un chirurgien, s'il y a besoin d'un matériel, et on va imaginer qu'il n'y a pas personne pour produire ce matériel. Quelle est la solution qui se va trouver dans cette société, parce que comment on va incentiver les gens, il n'y a personne qui nous parle, c'est bien sûr que le travail c'est pas juste on ne fait pas juste pour des raisons monétaires, on a des gratifications, on a toujours des différents incentives, mais on peut imaginer qu'il y a par exemple, on arrive dans un moment qu'il n'y a personne qui veut faire qui veut produire quelque chose d'important pour un chirurgien cardiaque. Par exemple, c'est un travail très, très dur et il n'y a personne qui veut le faire. Comment on pouvait solutionner ce problème? J'ai deux réponses. La première, c'est que dans notre société actuelle, ça ne fonctionne pas et ça fonctionnera de moins en moins. Il y a quelques jours, à Athènes, il y a un patient qui avait besoin d'une opération cardiaque urgente. Donc on l'a anesthésié, on l'a amené dans la salle d'opération, et au dernier moment, il y a le comptable de l'hôpital qui est arrivé en courant, c'est authentique, hein, c'est pas une intention, qui est arrivé en courant en disant arrêtez, il n'est pas assuré social, c'est encore nous qui avons payé, réveillez-le. Et on a renvoyé le bonhomme. Il faut le faire, hein. Alors, c'est en Grèce. Hein, eux, ils sont confrontés au problème de l'argent. Là. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. Donc, maintenant, ça ne marche déjà pas. Et ça marchera de moins en moins. Deuxième réponse, dans une société sans l'argent, on aurait besoin d'une intervention cardiaque difficile, compliquée, qui demande du gros matériel, etc. Par l'informatique, hein, avec mes conneries de code barre, là. Hein, en temps réel, on sait quel est le chirurgien dans le monde qui est capable de faire l'opération, de diriger l'opération. On se fout pas mal de savoir s'il est à Tokyo, à New York, à Berlin ou à Oslo. Le gars, il sait comment il faut faire. On sait où il y a le matériel nécessaire. On sait comment transporter le malade ou le matériel. On sait où il y a le praticien qui est capable de suivre les instructions par informatique, hein, et faire ce que le lien informatique... En fait, on commence déjà à faire des opérations par Internet. Hein. Bon, ça existe déjà. Mais c'est extrêmement limité, ces technologies-là sont extrêmement limitées pour des raisons de rentabilité, justement. Hein. Alors que dans une société sans argent, mon GANFM, il aurait eu son opération, il serait immense. Hein. Enfin, si j'en suis mort, je ne sais plus, mais... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça ouvre des possibilités, ça n'enferme pas. Je pense. Vas-y. Bah, du coup, sur ces histoires coup sur coup de production, là, c'est vraiment un petit clin d'œil. Je vais juste faire un petit clin d'œil à un film que j'aime bien, moi, qui est dans 01. Où au milieu, c'est... Il n'y a plus rien à manger. Ok, on y va. Et là, ils appuient sur les boutons. Ils font des pâtes, je crois. Sans doute, c'est des pâtes. Ouais, c'est des pâtes. Ils font des pâtes et tout d'un coup, je sais pas, au bout d'une heure, il y en a un qui fait... Il y en a assez. Ok. Ils arrêtent et ils sont tranquilles pour une semaine. Ils vont aller bouffer leurs pâtes. Bon. Il date un peu le film, mais franchement, il est sympa à revoir. Après, bien évidemment, là, c'est de l'anecdote, mais je pense qu'il y a largement de quoi encore penser. Ah oui. Vas-y. Oui, moi, je ne suis pas du tout inquiet par le fait qu'il manque certaines professions, parce que la majorité des professions de l'enseignement ou dans le soin, tout ce qui est médical, beaucoup de gens qui travaillent par passion et qui ont énormément d'heures par rapport au salaire, y compris dans le service public. Donc ça, c'est un point qui n'est pas. C'est juste une parenthèse. Pour ça, un autre point, est-ce que tu penses qu'il faudrait pas aussi abolir en même temps la propriété, parce que c'est un exemple. Peut-être que celui qui gagne une maison, il n'est plus obligé de payer un loyer en même temps. Il n'y aura plus de loyer. Je suis persuadé que si on est anarchiste, il est difficile de ne pas penser des argences. Mais si on pense des argences, je ne vois pas très bien comment on peut ne pas devenir anarchiste. Et donc remettre en cause la propriété privée. Sans argent, il n'y a plus de propriété privée. Il y aura une propriété d'usage, à l'évidence. Hein. Quelqu'un qui a une maison, il n'a pas envie qu'un autre arrive parce qu'il sous prétexte qu'il a des gros droits, il lui prenne la maison. Il en fait usage, ça lui appartient. Hein. Voilà. Et peut-être que c'est si on supprime l'argent, peut-être qu'enfin, on arriverait à se débarrasser de cette connerie de propriété privée. Aussi bien intellectuel que matériel. Oui, ça va y aller. Vas-y, Tony, après. Ouais. L'acte gratuit, je veux dire, on en voit en permanence autour de nous en ce moment. Il y a des tas de gens qui font des choses gratuitement pour rien, parce que ça leur fait plaisir, parce que. Ou professionnellement, ou en dehors de la profession. Il y a des tas de gens. Enfin, moi, je pense à un truc comme Wikipédia, par exemple. Le nombre d'heures de travail que ça représente. Pour arriver à tenir un truc comme ça, et les types, ils ont rien. Ils courent pas après l'argent, ils courent même pas après leur nom, il apparaît même pas. C'est simplement le plaisir de dire, je sais quelque chose et je le donne à quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça existe déjà, ça, maintenant. Alors, c'est vrai qu'on a l'air de penser que c'est une utopie invraisemblable. Mais elle existe, cette utopie, déjà. C'est pour ça que je disais qu'on n'avait pas vu venir le contemporain. Exactement. Je voulais te demander si cet organisme, il y aurait une planification à faire, non? Oui. Et si on la voit sur le plan des États mondialement, s'il faudrait que les échanges se font actuellement mondialement. Donc il faudrait que tout dans tous les peuples, tous les individus de la planète puissent avoir le même état d'esprit. Et est-ce que comment tu envisagerais ça? Et comment tu vois, comment peut-on imaginer la prise de conscience d'une grande majorité de gens? La prise de conscience, j'y crois pas trop. Tu ne peux pas les avoir imposés, en tout cas. La première fois que j'ai lu la Boétie, j'ai trouvé ça formidable. je me suis demandé pourquoi comment ça se faisait que les gens continuaient à croire qu'ils étaient plus faibles que les puissants. Hein. Ils étaient petits alors que c'était simplement à genoux devant les grands, comme dit la Boétie. La Boétie, c'est 1500 et ça marche toujours pas. Donc, l'humanité a beaucoup de mal à évoluer. Moi, je crois plus à la nécessité, je crois plus à la structure sociale. Hein. Je crois qu'effectivement, on a les moyens actuellement, et l'esprit informatique va changer les choses énormément. C'est une vraie révolution, autant que l'écriture, autant que l'imprimerie. L'informatique va nous obliger à penser indifféremment, de façon moins hiérarchique. Et c'est un peu comme la démocratie directe, hein. Tout le monde dit que c'est impossible, c'est pas vrai. Hein. Il y a même un mathématicien canadien, là, je sais plus son nom, qui s'est amusé à faire des calculs savants, très fort le mec. Il a calculé le nombre de délégations nécessaires pour arriver à une véritable démocratie directe à 60 millions, par exemple. Hein. Mais il a démontré que c'était possible. C'est simplement en changeant le logiciel actuel, quoi, hein, et en pensant trop long. C'est de bas en haut. Là, voilà. Alors donc on peut aller du plus proche au plus lointain. Hein. On peut essayer de, y compris au niveau des conflits, hein, on peut trouver des instances de conciliation. Hein, quand il y a des gens qui ont trop d'un côté, d'autres qui manquent de l'autre. Mais je pense pas que c'est parce que l'autre deviendra meilleur. Je pense que c'est parce qu'on a intérêt. Si j'ai la chance d'habiter au Cap d'Antibes, juste à la pointe du Cap, là, vue sur la mer, et qu'il y a un collègue qui lui est de l'autre côté de la route nationale et de la voie ferrée dans un HLM, il risque d'envier ma petite villa sur le Cap. Et donc, il aura, comme j'en aurai la propriété d'usage, il va attendre une chose, c'est que je craigne pour qu'il puisse prendre la place. Quitte à me mettre un peu d'arsenic dans mon café, c'est un bon repas. Et donc, il y a des inégalités qui vont se créer, hein, d'autres qui vont subsister du monde actuel. Et donc, il faudra créer des comités de conciliation pour voir comment on peut arriver à compenser tout ça. Ça peut s'organiser, ça peut se faire, et ça peut se faire au niveau des individus. Ça peut se faire. Alors, au niveau des individus, on a l'expérience. Hein. Les juges de paix dans le village faisaient ça très très bien. Mmh. En tant que généalogie, j'ai dépouillé des quantités de minutes de procès des juges de paix. C'est fabuleux, c'est ce qu'ils arrivaient à faire. Hein. Ils évitaient beaucoup de procès en poussant les gens à trouver un moyen de conciliation entre deux intérêts contradictoires, différents, opposés, etc. Et ce qui se fait au niveau individuel peut se faire au niveau local, peut également se faire au niveau d'un pays. Hein. Si nous, pays riches, on se comporte de la façon dont on se comporte actuellement, il ne faut pas s'étonner s'il y a des gens qui viennent nous envahir dans les pays lointains. Hein. Y compris en prenant des risques énormes pour leur vie. Hein. Oui. Donc, voilà. Faut pas en plus s'étonner s'ils nous en veulent parce qu'on les maltraite. Hein. Dans une société qui sortirait de l'argent, hein, on pourrait tout à fait imaginer des systèmes de parrainage, des systèmes de compensation, des systèmes de régulation, hein, des conflits, de façon à équilibrer et que les gens qui habitent en bordure du Sahel n'aient pas envie de vivre en Paris. Hein, en fait, ils n'en ont pas envie, ils sont bien mieux chez eux. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de venir à Paris, ou à Marseille. Je voudrais intervenir sur un sujet que je connais, c'est que dans le tu as pris l'exemple et tout. Bon, je pense que ce que tu dis, tu omets quand même quelque chose, c'est que bon, il y a une crise écologique énorme en ce moment, et toi, dans ton système, il n'y a pas de crise écologique. D'ailleurs, sur l'histoire du livre que tu as pris, allez, on fait tourner les machines, les forêts, on les abat, allez, on y va, tout le monde peut, tout ça et tout. À aucun moment, il est posé le problème de la limitation. C'est-à-dire, de toute façon, on sera. Il ne peut pas y avoir, c'est comme sur l'histoire du yacht ou des trucs comme ça. Il y a les désirs des gens, il y a, je veux dire, En tout cas, on a été formaté dans la culture de Napoléon. On a été formaté à être tous des individus performants qui ont quelque chose à dire et tout ça et tout. Et ça, ça bouffe beaucoup, beaucoup d'énergie. Excuse-moi, le coup de ton opération où on prend le mec, on le balade sur 10 000 km, ça veut dire des avions, ça veut dire du kérosène, ça veut dire tout ça. C'est une organisation actuelle qui existe et qu'on voit qu'elle nous mène dans le mur. Parce que des ressources, il n'y en a plus. Il faut voir le Nord-Canada, la ressource forestière, ce que c'est devenu. Moi qui suis imprimeur, c'est effarant. Alors ça, bien sûr, sur tous vos bouquins, vous avez remarqué, produits sur du papier, écologiquement et tout. Il faut voir ce que c'est que l'écologiquement, qui est en dessous les arbres. Il n'y a plus de vie. Ils ont fait des monocultures. C'est incroyable. Et des livres, vous savez combien le plus gros gaspillage où il est, où on pilonne ce qu'on détruit le plus, on parlait des chou-fleurs, mais on pilonne chaque année en Europe des dizaines de millions de livres et tout, on pilonne des arbres. Et alors, voilà, donc ça existe, et ça, moi, c'est le discours que tu tiens, c'est un discours exponentiel, il n'y a pas de limite dans la... C'est vrai qu'au niveau culturel, il ne peut pas y avoir de limites. Mais au niveau naturel, on les a, ces limites. Donc, il faut se les poser culturellement. Comment on va se limiter? Et ça, tu ne leur pas expliqué comment ça va. Et comment la société, les individus vont se limiter. Ouais. Parce déjà, que ça devient... Déjà, mon livre fait 230 pages. Ça ne représente pas... ça doit représenter peut-être une à deux semaines de publicité que je reçois dans ma boîte aux lettres. Alors, oui, c'est la folie. Alors, ce temps en ce moment, avec les élections, alors là, c'est le bouquet. Le gaspillage, si on supprime le gaspillage, ouais, un truc inutile, comme la publicité, déjà, on sauve une bonne partie des forêts. Après ça, pour le bouquin lui-même, mon éditeur, là, qui est sérieux, anarchiste, mais sérieux quand même, il a publié à 1500 exemplaires. Qui me dit que je vais vendre 1500 exemplaires de ce machin-là? Je ne suis pas sûr. Alors, si ça se trouve, dans 10 ans, même avant, il va y avoir 300 ou 400 Saint-Martin qui vont partir au pilon. Effectivement, c'est un scandale. Mais c'est un scandale parce qu'on est dans ce système-là, dans un système, dans mon système à moi, on va tirer les bouquins au fur et à mesure qu'on en a besoin, pas à 1500 exemplaires. C'est de la folie, ça. Il y a du décalage à 10 000, ça coûte voilà. On le mais oui, mais parce que l'énergie qu'il faut pour mettre une maille, de construire, de mettre une maille, ça existe déjà. Sur Internet, on peut publier un livre à l'unité. Oui, mais on n'est plus dans le même système. Non, en papier. Vous avez les composants numériques, on n'est plus sur de la presse mécanique. Et alors? Oui, mais alors, ça veut dire que le numérique, ça pose un autre problème, parce que question pollution, le numérique... Non, je ne te dis pas la pollution que ça fait. Non, et les ressources premières que ça mobilise, telles que le coltran, telles que le cuivre, telles que tous ces trucs-là, telles que tous les composants qui rentrent dans les cartes informatiques. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une réalité. Mais pourquoi? Parce qu'on les gaspille. Parce que si mon ordinateur demain tombe en panne, il faut vraisemblablement changer uniquement la carte mère, qui est un petit truc, un petit bazar, un grand comme ça, et encore qu'on pourrait miniaturiser encore plus. Mais il faut que je change toute la caisse. Mais non, tu changes toute la caisse parce que ton nouvel ordinateur il est plus puissant et il faut le changer tous les ans, du coup, alors que tu jettes l'ancien qui marche encore. C'est pas parce qu'il tombe en panne ton ordinateur, c'est parce qu'il est plus puissant. On a les moyens actuellement de faire des ordinateurs qui sont à la fois puissants et solide, qui va durer des années. Oui, mais l'an prochain, on va garder encore plus puissant. Mais ça, c'est l'argent qui nous fait ça. C'est l'argent qui nous pousse à ça. Avant, il y avait un typographe. Maintenant, il y a 7 milliards d'ordinateurs. Ce soit disant, tout le monde est typographe. Tout le monde a son ordinateur. Et ça fait 7 milliards de pièces physiques, d'énergie qui sont là. Donc, il y a un problème de limitation. C'est-à-dire que... Voilà, le système de la croissance est perdu, je ne vois pas comment, avec argent ou sans argent, je ne vois pas où ça peut aller. Excusez-moi, je ne vois pas où ça peut aller. C'est typiquement ce que je décris dans mon coup. Attends, non. On va boire le coup bientôt. Romain et Conti. C'est la commune de Saint-Martin à propos de l'événement de la rivière. Ils ont une rivière, on découvre une rivière, la commune qui est complètement abandonnée, qui est... Et donc, il y a une équipe qui se met en place pour transformer tout ça. Et automatiquement, on voit trois positions qui se développent. Une qui est écologique, la tienne, hein, tout à fait. Une qui est productiviste, hein, on va transformer la rivière en bien touristique, etc. Et puis, des positions intermédiaires, c'est ça. Et mon maire charismatique, lui, il est comme toi, il est plutôt écolo, et il dit, on fait quelque chose de cette rivière, à condition que ça ne te coûte pas une fortune, que ça ne soit pas polluant, que ça détruise pas la forêt, qu'au contraire, à l'inverse, hein, il y ait une biodiversité qui se développe, qu'on remette des écrevisses comme il y avait dans le plan dans la rivière. Avec ces contraintes-là, hein, avec les contraintes que tu poses. Hein, c'est pas moi qui les pose. Non, non, mais c'est pas moi qui les pose. Moi, chaque jour, des scientifiques, ils font des constats, ils les posent. Moi, je pose rien du tout. Non. Dans tous les cas, les contraintes qui se posent. Hein, elles sont là. Avec, qu'on ne peut plus tenir. Alors, on a un projet quelconque. Aménager une rivière ou trouver de l'énergie pour faire quelque chose ou fabriquer un bouquin, on peut le faire, on le fait. On ne peut pas le faire parce que ça, c'est trop coûteux sur le plan écologique. On ne le fait pas à ce moment-là. Mais on a le choix, alors qu'actuellement, on n'a pas le choix. Mon éditeur, il n'a pas le choix de publier à moins de 1500 exemplaires. Parce qu'à moins de 1500 exemplaires, ça lui coûte trop cher. Vous aviez le choix de travailler avec un éditeur. Oui, je sais. J'aurais pu travailler directement avec Internet. Mais je suis nul en commerce. C'est-à-dire que quand je fais un bouquin, pour le temps, je vais l'aider. Ça me fout pas beau des fesses. L'éditeur, lui, est plus sérieux. Lui, il a un peu le sens du commerce. Même s'il est anarchiste et il me dit bon, arrête tes conneries, il faudra quand même arriver en vendre quelques-uns. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi un éditeur. De ce côté, diffusion, j'arrive pas à savoir ça, je pars en train de Non, c'est une formation, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas la flemme, c'est. J'arrive pas à m'y faire. Ça. Je sais pas. J'ai travaillé en libéral comme généalogiste, normalement, en libéral, il fallait que je gagne un peu d'argent, mais ce soit fait pour vivre, etc. J'étais obligé de me battre vraiment pour arriver à faire payer les clients. Quoi. En plus, j'allais dire, putain, vous avez vu ça dans votre famille, ce qui se passe, j'ai trouvé des trucs vachement intéressants. Il y a des contrats moteurs qui sont bien. Mais ça va faire cher. Je vais vous faire la recherche, après vous verrez. Alors, les gens me donnaient ce qu'ils pouvaient. J'arrivais difficilement à s'en faire un smig avec ce genre de principe. L'idéal, effectivement, tu écris ton bouquin, après tu pars sur les routes, tu as un réseau d'adresses, tu le présentes. Bon, là, nous, on est en plein dedans, hein, et on a des éditeurs anarchistes, tu peux te dire, ils font le même boulot que les éditeurs standards. Le fait est que tous ses amis, ses copains qui publient des choses passent, s'ils veulent être lus, ils sont dans le système actuel. Tu es obligé de passer par des éditeurs et des diffuseurs et des libraires ou des lieux comme ici. Tu peux même aller à côté, on avait des locaux autogérés qui diffusaient les bouquins. Mais ça passait quand même par des lieux, quoi. Quelqu'un tout seul, je pense son bouquin, personne ne va le lire, quoi. Ou que ses potes, quoi. Mais tu vas créer un système de diffusion ou un réseau de diffusion et ça reviendra absolument au même. Tu vas peut-être sauter des étapes. La distribution, effectivement, c'est ce qui coûte le plus cher dans les bouquins, c'est la distribution, mais on peut éviter. Ça peut être des structures associatives qui fassent la. Mais ce que tu dis, si on se regroupe, tu crées une structure. Oui, une structure, mais justement, vous évoquiez l'investissement pour le collectif, le bénévolat, tout ça, mais pourquoi là, c'est pas concrétisé de tomber sur un bouquin comme ça qui a 11 euros. Mais le mec, il gagne. Mais l'éditeur, il gagne rien à faire ça. L'amour du collectif, de diffuser sa pensée. Il gagne rien, il gagne pas de fric là-dessus. C'est des types qui font ça, s'ils sont pas dans le bénéfice. L'éditeur, il est quasi bénévole. Mais. Si, mais. Ouais, l'auteur, ça lui coûte du pognon. Voilà, si, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de. Sur les 11 euros, lui, il ne touche pas rien. Et il y a peut-être le distributeur, ça a créé peut-être un emploi au niveau distribution. Et puis ça fait marcher les imprimeries, mais après. Ça fait marcher l'imprimerie. Ouais, Kate Muscop, qui va soutenir, qui est à Toulouse, ils ont beaucoup de difficultés, parce que c'est une après, extrêmement intéressante, mais ils sont dans le système financier, ouais. Ils sont pris à la gorge. L'idée du prix libre est intéressante, mais tu vas avoir pour une personne qui va filer 30 euros, tu vas en avoir 10 qui vont te filer 2 euros et il ne rentrera pas dans les frais du bouquin. Quoi. Pardon? Il faut avoir le goût du risque. Comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai pas le sens du risque. Ça, c'est bon. De toute façon, après, là, on est dans la structure actuelle. Après, le débat, c'était sans argent. Moi, sans argent, moi, j'imagine effectivement des bouquins, alors peut-être pas les tirer à 1500 exemplaires, trouver plutôt des bibliothèques où les gens, le bouquin sera collectif, ne sera pas approprié, parce que là, c'est vrai, on est tous, chez nous, on a tous des bouquins jusqu'au plafond, on adore ça, parce qu'on est là-dedans, mais on peut imaginer le développement des bibliothèques de quartier, de rue même, ou chez les gens, tu vas chez ton voisin, tu te prends des charges de bouquins. Et le bouquin, il est pour 10 personnes, et tu n'es pas obligé d'en avoir 10 exemplaires, et là, tu tires à moins ou plus, tout dépend jusqu'à quel... limite, tu vas diffuser ton livre, quoi. J'aimerais bien revenir sur l'écologie, quand même. Je ne suis pas écologiste. Non, mais pour la mésologie, je suis comme Pelletier. On vit dans un milieu. On fait partie de ce milieu-là. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. On fait partie d'un milieu. Ce milieu est hyper compliqué. Ce milieu est en train de s'épuiser. On y est pour une grande partie, mais on n'est pas totalement pour. On est pour une grande partie de ça. Et il faut tenir compte vraiment de tout ça. Et, parce que tout est interaction. On ne peut pas balancer des trucs sans se dire quand j'actionne ça, qu'est-ce qui va se mettre en moi ? Parce que on est dans une société qui est très complexe, je pense que, socialement et écologiquement. Ouais. Je pense que il serait beaucoup plus facile de respecter la nature, de respecter les ressources naturelles que l'on a, de respecter la biodiversité, de respecter l'homme aussi, hein, de respecter son intégrité, hors d'un cadre monétaire que dans un cadre monétaire. À chaque fois que j'ai des discussions sur ce qui se fait dans l'industrie actuellement, j'ai un frère qui est ingénieur à Veolia et qui est spécialiste renommé, hein, il se balade un peu partout dans le monde, pour l'épuration des eaux. Parce que c'est, quand je vois ce qu'il en fait, tout compétent qu'il est, ça me défrise. Voilà. Et uniquement pour des contraintes financières. Lui, il est anti-écologiste à cause des contraintes financières. Je me dis que le même bonhomme, qui est un excellent technicien, un bon scientifique, hors d'un système monétaire, il arriverait enfin à faire un métier intéressant. Parce que c'est pas un mauvais garçon, mais il travaille avec lui. Oui, moi aussi, c'était un peu sur ce thème-là. Je crois effectivement, ça n'a pas été dit, mais pour moi, en tout cas, c'est assez évident que se diriger par un système de ce type-là, c'est pas seulement sans argent, il y a tout le reste qui en découle. Et pour moi, ça me paraît évident. Tu en as parlé en parlant des. Ne serait-ce que des économies de papier sur la pub, mais après on peut décliner ça sur 100 000 manières. Mmh. Automatiquement, il y a une décroissance qui va avec. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé du gaspillage, le gaspillage, beaucoup moins, la pub et tout ce qui s'en suit. Là, toi, tu viens de dire les bouquins, au lieu de les avoir tous chez nous, les en bibliothèque, et ça le fera tout aussi bien, on fait la même chose avec la machine à laver. Aujourd'hui, on a tous une machine à laver chez nous, alors qu'une seule au bout de la rue collective suffirait largement. Qui fait avec le frigo, etc. Enfin, c'est un peu évident qu'à partir du moment où on change les règles du jeu. Non, mais tu penses que tu ne prends pas tout à compte, tu parles comme des trucs qui sont créés à votre portée. Je veux dire, ce qui s'est passé à Fukushima, là, j'ai vu, j'étais effaré. À Fukushima, quand il y a eu l'accident, 90% du personnel s'est barré. Ceux qui sont venus dans l'usine, c'est des crèves lafées qu'ils ont pris et qu'ils leur ont donné tout. On a une technologie qui est extrêmement dangereuse et que si plus personne ne se forme et n'est formé, parce que, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais qu'est-ce qu'on fait de ces amoncellements de ce que notre société qui est là, qu'on se merveille, qu'on dit on peut sortir des livres, on peut sortir des scies, on peut aller en 3 heures, on peut prendre un avion, mettre un mec dedans et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait de Ça c'est le côté, le bon côté de la chose. Mais derrière, il faut voir qu'au fur et à mesure, ça s'accumule. À Fukushima, pour retraiter l'eau, pour parler de l'eau, ils viennent tous de s'arrêter. C'est-à-dire que l'eau, elle est en train de partir dans le sol, dans l'océan, de partout. Qu'est-ce qu'on fait contre tout ça? Voilà, c'est ça. Moi, le problème, c'est pas de savoir avec ou sans argent. Je préférerais sans argent, bien sûr, ça voudrait dire qu'on soit mûr, qu'on ait d'autres échanges et tout. Mais le problème, c'est de savoir... je pense que ça vient de ce qui se passe politiquement aussi dans le monde et en France. C'est-à-dire qu'on est tellement déresponsabilisé, c'est-à-dire qu'on se sent tellement déresponsabilisé de tout qu'on ne s'attelle plus à aucune tâche. Et l'accumulation en face des problèmes... C'est bien beau de dire on fait du bénévolat, oui on fait du bénévolat dans des trucs qui nous intéressent et qui ne mangent pas beaucoup de pain, mais personne ne va faire du bénévolat pour dépolluer des sites contaminés ou pour simplement retraiter tous les déchets d'ordinateurs qu'on envoie dans les pays africains ou en Asie ou des trucs comme ça. Là j'en vois pas beaucoup qui font du bénévolat pour ça. Excusez-moi, moi je ne veux pas être le méchant petit canard, mais je veux dire tout ça c'est des réalités et on est devant ce mur. Si les déchets de l'informatique partent en Afrique, c'est pas parce qu'on ne sait pas les traiter. C'est parce que c'est pas rentable. Parce qu'on a de la main-d'œuvre payée et la main-d'œuvre africaine elle est moins chère. En plus, ils se pourrissent la santé. Sans rien dire à personne, c'est fabuleux. Et tout ça, c'est l'argent qui produit ça. Si hors de l'argent, on trouvera les moyens d'avoir 10 fois moins de déchets informatiques, on trouvera les moyens de produire moins de chaleur avec les big data qui fonctionnent, parce que cette chaleur émise par les big data, ça part dans l'atmosphère, ça pollue, ça pourrit le climat, alors qu'elle serait... Si on mettait justement, tiens, je parlais des moteurs Stirling, si on mettait des moteurs Stirling à la sortie des big data, on aurait de quoi alimenter en électricité un des villes comme New York. Google arriverait à alimenter en électricité New York. Et ça part en fumée. Voilà, ça part en fumée. Ça part en Afrique. Devient le climat qui augmente. Il y a des points de déchets en Afrique. Vas-y. Oui. Ma question, c'est si vous pensez que si on continuerait dans le même, sens de progrès, donc si on continuerait avec cette ligne de progrès qu'on a aujourd'hui, ça c'est ma première. Bon, c'est ma question, c'est la réponse c'est oui, c'est comment, parce que je ne vois pas comment. La réponse c'est non. C'est un peu lié à cette question, c'est on est arrivé dans un état de progrès. Merci. On peut imaginer, oui, une société avec moins technologique, moins avec parce qu'il y a beaucoup de choses que, dans mon avis qu'on a déjà passé le nécessaire, mais là on va avoir des problèmes de on a déjà des technologies par exemple dangereuses et on va avoir cette conflit entre le progrès qu'on avait en ces moments et avec la transition de la société moins de progrès et comment on va avec cette société moins évoluée utiliser les technologies, les ressources que bon, c'est pas utiliser, mais comment on va, je sais pas, partir. Comment on va gérer. Oui, mais je suis persuadé que la gestion sans l'argent permettra plus de choses que dans la société actuelle. Ouais. On est face à des impasses. On est face à des problèmes insolubles. Le réchauffement de la planète, il n'y a personne qui sait comment on va faire pour l'arrêter. Et on ne sait même pas si ça va pas, si on va, s'il n'y a pas, je ne sais plus comment ils appellent ça, l'effet boule de neige, au niveau du, si ça ne va pas s'emballer, hein, s'il n'y a pas un effet d'emballement. C'est quand même dramatique. On ne sait pas comment réduire le chômage. vraisemblablement, il y aura de plus en plus de chômeurs. On a le problème, donc c'est peut-être pas en fait de faire plus de choses sans argent, c'est de faire moins de choses avec ou sans argent. C'est pas, enfin, moi je serais ravi, comme tout le monde, hein, si on avait la maturité nécessaire pour pratiquer la vie et donc manger, se nourrir, etc. sans argent. Ceci dit, c'est vrai que pour ce que j'appelle moi des envies, hein, plus que des besoins, toi tu parlais de besoins superflus, mais je pense que c'est des envies. Pour tout ce qui paraît superflu à notre génération, typiquement avoir un smartphone ou un truc comme ça, qui est un besoin pour la génération suivante. Là, par contre, effectivement, comment arriver à placer ce curseur entre l'envie et le besoin, tu vois, comment arriver à redescendre gentiment, avec ou sans argent. Je pense que ce serait mieux sans argent, mais c'est pas évident que cette fuite vers le haut, technologique ou dans le surplus, dans la consommation, etc., moi, je ne pense pas que l'argent soit effectivement une limite qui nous permette d'arrêter et d'aller vers la décroissance, hein, pour ne pas la nommer. Mais je me demande si le fait d'essayer la société sans argent ne devrait pas être quelque chose qui viendrait après une autre étape où on a obtenu une maturité sociale qui nous permet de nous débarrasser de l'argent et de la crise écologique et de tout ça. Ce qui me gêne dans l'idée de décroissance, c'est que la décroissance ne peut pas s'appliquer à tout le monde. J'ose pas dire à un Africain, à un Thaïlandais, qu'il faut rentrer à la décroissance. Il va me taper sur la gueule et il aura raison. Hein, parce que tout ce qu'on a eu, nous, pendant des années, les 30 glorieuses, c'est pas rien. Ils aimeraient bien y goûter un petit peu aussi. Hein. Et s'ils se mettent à y goûter, ben, la planète va exploser. Hein, parce que, et alors que entre la décroissance et la croissance infinie, comme on folle dans la calendrier, je pense qu'il y a un moyen terme qui pourrait justement être possible dans un système de désargence, parce qu'on peut arriver à produire plus en polluant moins. En pillant moins la planète, hein, et surtout on peut mieux répartir les choses, hein, ce qui augmente, c'est la richesse de certains et la pauvreté de d'autres, hein. Dans un système sans argent, tout ça ça peut se résoudre plus facilement. Ceci dit, encore une fois, j'ai pas les réponses à tout, hein. Je cherche au fur et à mesure comme vous, hein. Ton bouquet, il a la solution, parce que tout s'est déjà écroulé. Voilà. Et le problème, c'est que là, on est dans une société qui est en train de s'écrouler. Mais voilà. Mais à mon avis, on ne peut pas continuer comme on est. Oui, le problème, c'est ça. Le capitalisme a tellement de ressources pour rebondir qu'on ne sait pas. Une dernière intervention, puis après, on continue autour d'un verre. De Romani Conti. Parce que ce passage, bon, c'est plein d'idées, c'est très intéressant, hein, et ce passage à un autre type de société, concrètement aujourd'hui, vu la spirale dans laquelle on est, c'est obligé de changer. Le monsieur derrière est tout à fait juste. Mais bien sûr. Le problème qui se pose, c'est par quel rapport de force politique on arrive à un changement. Oui, j'en sais rien. Et voilà. C'est un autre débat. Donc, c'est une bonne question, mais ça va. Non, moi, je ne veux pas le dire. Bien sûr. S'il y a effectivement une hyperinflation ou même une hyperdéflation, peut-être encore pire. Qui nous donne son point de figure, là on a un vrai choix. C'est ça. Oui. On se pose. Voilà, c'est une question d'idéologie. Moi je comprends ça. Donc, merci pour d'être venu nous avoir présenté ton bouquin. C'est sûr qu'il pose plein de questions et qu'il y aura d'autres débats possibles sur la suite, ou avant, ou après. La société s'en ira.